Pour les grands, c'est les petites têtes, les petits steaks qui mettent le 2 roues en Y. Pour ceux qui savent, ceux qui respectent, pour ceux qui se plaignent jamais, même un sec sec. C'est même pour ceux qui critiquent ma team. Ils reviennent tout quand je fais un platine. Je me fais discret comme le bonheur. Comme ce petit qui a trouvé le charbonneur. Y'a longtemps que je me lève plus de bonheur. Longtemps que je me lève plus en colère. C'est pour ceux qui m'ont oublié, ceux qui croyaient pas en moi quand je voulais t'oublier. Mais bon, j'ai trié pour arriver où j'en suis. Tu savais combien de fois le bon Dieu j'ai prié. Pour ceux qui changent pas, même avec des billets. Pour ceux qui se rappellent la valeur de l'argent. Pour ce qui est de leur mère au lieu de s'habiller. T'as fait courir monsieur l'agent. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. Rien ne m'empêche de dire aux gens ce qui me plaît pas. Je viens dire aux gens peut-être tout ce qu'ils ne savent pas. Je veux monter à Rome, ils veulent me tirer vers le bas. Pour ceux qui font les choses de bon cœur, de mecs comme ça, est-ce qu'il y en a encore? Pour ceux qui reconnaissent les menteurs, ceux qui font plein de grimaces quand ils sont en tort, sans abandonner comme ce bateau dans le port. Ça m'a fait des blessures dans le corps, seul comme ce petit sans son père dans le parc. Et on se dit encore que c'est la vie, que c'est son sort. Je me vois comme rien, un boy comme une star. Alors des fois je me cache quand je sors. Pour vous ça peut paraître bizarre. Quand j'arrive en showcase en short. C'est pour les durs, les vaillants. Ceux qui font du chemin avec les voyants. C'est pour les durs, les vaillants. Ceux qui font du chemin avec les voyants. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. Rien ne m'empêche de dire aux gens ce qui me plaît pas. Je viens dire aux gens peut-être tout ce qu'ils ne savent pas. Je veux monter en haut, eux veulent me tirer vers le bas. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. Rien ne m'empêche de dire aux gens ce qui me plaît pas.